Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Juliette. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avions envie d'ouvrir une série de réflexions sur ce que nous renvoie le confinement, sur les besoins, la réalité, les désirs de nos corps aujourd'hui. En effet, l'expérience du confinement en 2020 n'a plus grand-chose à voir avec celle des périodes précédentes, comme décrite dans La Peste de Camus, par exemple. Tout d'abord, en dépit de la suspension d'une partie de l'activité économique, on constate que notre confinement à nous reste bien ancré dans la société de consommation, qui se maintient en grande partie grâce aux technologies numériques que nous avons à disposition. Oui, au contraire des temps de la peste, la coupure entre nous n'est pas si évidente. Quelque part, les outils numériques rendent la crise moins brutale en permettant une relative continuité de nos relations sociales et de nos comportements économiques. Alors, on va beaucoup parler aujourd'hui de la société de consommation, mais justement sur cette idée de poursuite de nos comportements économiques, nous avons eu envie d'entamer cette réflexion en revenant sur l'intervention de Christian Gaulier, qui est le directeur de la Toulouse School of Economics, et qui était l'invité d'Entendez-vous l'écho sur France Culture dans l'émission du 27 avril dernier, intitulée « Santé et économie, les frères ennemis ». En effet, cet économiste libéral, chantre de l'innovation, présentait la nécessité du déconfinement essentiellement à l'aune du pouvoir d'achat. D'après lui, il y aurait une limite à la priorisation de la vie sur le pouvoir d'achat pour les citoyens consommateurs. Le décès d'une personne est toujours une tragédie. Néanmoins, on ne peut pas tout sacrifier pour sauver des vies humaines. Et en fait, nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts, nous non plus, à faire un effort infini pour préserver à la fois notre propre vie et celle de nos proches. Donc c'est effectivement un énorme dilemme moral auquel nous sommes confrontés entre la préservation de la vie et la préservation du pouvoir d'achat. Je sais que c'est extrêmement compliqué à traduire cela en des termes monétaires. Néanmoins, une décision doit être prise aujourd'hui dans le cadre du coronavirus. Imaginons que nous soyons aujourd'hui attablés autour de dans le bureau de Matignon. Quelle décision prendrions-nous? Sur quels critères? Je pense que c'est un peu facile aujourd'hui de dire la vie est sacrée, il faut faire tout pour la protéger. Je pense que ce n'est pas complètement ce à quoi nous sommes confrontés. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'imaginer que nous pourrions sacrifier l'ensemble de l'économie, des revenus que nous pourrions générer en allant travailler. Ce confinement est extrêmement coûteux et il faudra un jour qu'il s'arrête. Et le jour où on l'arrêtera, ce confinement, on sera confronté très probablement à une deuxième vague du coronavirus avec de nouveaux décès. Et la conséquence, c'est qu'il faut dès aujourd'hui décider d'arbitrer entre la préservation de notre pouvoir d'achat et la défense de la vie humaine. Donc, en gros, le confinement était justifié parce qu'il a permis d'éviter un nombre de morts extrêmement important. Néanmoins, on arriverait aujourd'hui à un seuil où les risques économiques dus à la suspension d'une majorité des activités font changer la donne. Les Français et Françaises vont préférer risquer la contamination et accepter l'idée de la mort d'un certain nombre d'entre elles et eux au nom du maintien d'un pouvoir d'achat général. La froideur de cette analyse nous a donné envie de réagir. Mais qu'on ne se méprenne pas, notre position n'est pas de nier en bloc la nécessité du déconfinement. Il semble qu'en effet, celui-ci soit souhaité et souhaitable pour une majorité d'entre nous. Avant d'entrer dans des considérations économiques, c'est surtout la solution prônée par la plupart des scientifiques, selon lesquels la pandémie ne pourra pas être efficacement endiguée sans une certaine immunité collective. À ce niveau-là, nous n'avons pas de compétences ou de connaissances suffisantes pour faire valoir une opinion. Sur le plan économique, il est également et malheureusement évident que le confinement a un impact important sur bon nombre d'activités et par extension précarise un certain nombre de conditions d'existence. Mais c'est bien de conditions d'existence dont il semble important de parler et non seulement et cyniquement de pouvoir d'achat. Les propos de Christian Gaulier nous semble invisibiliser un certain nombre de réalités. D'une part, si l'impact économique est aussi fort, c'est dû au mécanisme même du capitalisme sur lequel repose notre modèle de société, c'est-à-dire un modèle basé sur la course effrénée à la croissance qui nous confronte aujourd'hui à la pénurie de masques, à un système hospitalier à bout de souffle et nous rendent nous-mêmes dépendants de tout un tas de jobs et de surplus de produits de consommation qu'il faudrait absolument pouvoir écouler, même si on n'en ressent pas vraiment le besoin. Pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis? Parce que c'est essentiel à notre survie, dans cette existence précaire que nous menons? Non. Alors on est quoi? On n'est que des consommateurs, tu as dit. On est des consommateurs, on est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Si nous craignons autant une récession due au confinement, c'est parce que ce système de croissance nous a privés des moyens de subvenir rationnellement à notre existence afin de nous rendre dépendants de la société de consommation. Les économistes, comme Goliot, parlent du pouvoir d'achat comme si c'était la seule voie de notre affirmation personnelle, comme si le fait de consommer était notre activité centrale et la seule réponse à nos besoins et désirs humains. Plus on nous berce avec cette idée, moins on la remet en cause, alors qu'en fait, il ne s'agit pas d'un pouvoir détenu par l'individu, mais plutôt d'un asservissement. Pour nous, il est indécent de prétendre que nous faisons tous et toutes le choix, soi-disant rationnel, de risquer notre santé, voire notre vie, au nom du pouvoir d'acheter. Car celles et ceux qui sont les plus prêts et prêtes à prendre ces risques sont bien sûr, statistiquement, les plus précaires, celles et ceux qui n'ont vraiment pas le choix et pas d'autres options pour se maintenir en vie. Bien sûr, beaucoup de gens issus des classes moyennes font également part d'une certaine préférence pour un retour à l'activité, comme à un certain rituel social, et afin de retrouver un certain nombre de petits plaisirs. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler, comme Christian Gollier, d'une acceptation de risque de maladie, voire de mort, dans ce cas, au nom du maintien du pouvoir d'acheter. La vérité, c'est que pour la majorité d'entre nous que l'épidémie n'a pas touché de près, celle-ci reste assez abstraite. Plusieurs sociologues et économistes se sont intéressés à notre rapport au risque. Ils parlent à ce titre de biais cognitif, qui influe sur notre perception du risque de contracter le virus, soit parce que les malheurs nous semblent toujours arriver qu'aux autres, soit parce que l'on peine à se représenter la rupture de notre routine, et notamment l'impact d'une catastrophe à laquelle nous n'avons jamais été confrontés. C'est la même surprise, décrite par Camus, au début de la peste, dont voici un extrait. Nos concitoyens, à cet égard, étaient comme tout le monde. Ils pensaient à eux-mêmes, autrement dit, ils étaient humanistes. Ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours, et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ils oubliaient d'être modestes, voilà tout. Et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages, et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions? Ils se croyaient libres, et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. C'est ainsi que malgré les informations assez alarmantes dont nous bombardent les médias, le confinement a pu nous maintenir dans une certaine bulle protectrice. D'ailleurs, un autre biais cognitif que l'on retrouve aussi dans cet extrait de La Peste de Camus, c'est la confiance, l'optimisme initial que nous portons vis-à-vis de nos propres capacités de résilience. Pour celles d'entre nous qui ne se considèrent pas comme vulnérables, le confinement est avant tout une contrainte. Et là, oui, la préférence va peut-être au pouvoir d'achat. Néanmoins, l'équation est loin d'être de l'ordre de acheter versus vivre, mais plutôt acheter, quitte à se retrouver avec une grosse grippe, susceptible de nous mettre un peu mal pendant un temps, mais dont on se relèvera assez vite. La différence n'est quand même pas des moindres. Comprar cosas que no valen pana. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Comme tu le disais, Juliette, le cas des classes moyennes n'a rien à voir avec la nécessité bien plus urgente, parfois vitale d'un point de vue économique, de retourner au travail pour les plus précaires. Et malheureusement, ce sont souvent elles et eux qui sont aussi les plus susceptibles d'être vulnérables au virus, puisque précarité économique et vulnérabilité de santé vont bien souvent de pair. Pour ces personnes-là, le risque encouru par la reprise de leur activité est donc d'une autre ampleur. On peut s'interroger sur la notion de choix. Encore une fois, les défenseurs de la croissance réduisent l'individu à une sorte de rationalité absolue entre coûts et bénéfices. déshumanisante. Cette vision fait de la vie elle-même un objet qu'on étudierait sur le même plan que les biens et les services. Ils sont réduits à une perspective quantitative, à des calculs de probabilité, comme si nous étions tous et toutes égaux et en mesure de choisir rationnellement de nous exposer ou non. Or, comme tu le dis, loin d'être un choix pleinement libre, la préférence pour la reprise de l'activité doit être mise en perspective avec un certain rapport au risque. Et c'est effectivement pour les personnes en situation de précarité que le risque financier prend le dessus sur celui de la maladie. En effet, pour beaucoup d'entre elles et eux, il y a d'une part la suspension de leur principale source de revenus et d'autre part une importante hausse de la charge financière, car le confinement demande davantage de dépenses alimentaires pour les familles avec enfants qui ne peuvent plus compter sur le service de la cantine, qui engagent d'autres dépenses, par exemple l'électricité, etc. En termes de travail, comme nous le mentionnions dans le podcast précédent, ce sont souvent elles et eux qui sont en charge des emplois les plus exposés, travaillant au contact d'autres personnes par exemple. Or, ce sont aussi elles et eux qui sont le plus susceptibles d'être victimes des inégalités de santé, comme tu disais plus haut, soit parce qu'ils vivent dans des déserts médicaux, soit parce qu'ils et elles ont plus de probabilités de souffrir déjà d'une certaine fragilité. On sait par exemple que le diabète et l'obésité touchent toutes les franges les plus précaires de la population et que ces maladies semblent justement être des facteurs qui aggravent l'épidémie. On peut citer à ce titre une phrase du philosophe Georges Canguilhem qui, en 1943, désignait la santé comme le luxe d'être malade et de pouvoir s'en relever. Il soulignait que surmonter une maladie n'induit jamais un retour normal à une santé idéale, mais que nos corps s'adaptent, négocient de nouveaux équilibres. Les corps les plus précaires sont directement confrontés à cette nécessité de s'adapter, à devoir faire face au jour le jour, en faisant confiance à des capacités de résilience telles qu'elles se sont manifestées jusqu'alors. Dans Histoire du corps, Corbin, Courtine et Vigarello reviennent bien sur une différence de rapport à la santé et à la maladie selon les différentes classes sociales. Ils montrent que les plus précaires ont moins tendance à se concevoir comme malades et à consulter en l'absence de symptômes physiques déjà présents. Dans ce contexte, il est assez hypocrite de parler d'un choix du pouvoir d'achat sur la santé et la vie. Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixes. Choisir son petit pavillon. Choisir ses amis. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo. Choisir de pourrir à l'hospice. Et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. À partir de là, on peut également souligner les limites du parti pris actuel du gouvernement, faisant de la décision de retourner ou non à son activité un choix proprement individuel. Il incomberait à chaque personne de décider de sa propre vulnérabilité, de s'organiser avec son médecin, bref, sous-entendu, de prendre ses responsabilités. Comme si une telle décision pouvait être détachée de toute contrainte sociale, économique, hiérarchique, etc. Bref, notre propos n'est encore une fois pas de critiquer la décision de déconfinement en tant que telle. Le confinement lui-même n'est pas toujours une solution, même pour les plus vulnérables. La solitude se révélant elle aussi mortelle, comme en témoigne la hausse des décès dans les EHPAD. Ce que nous interrogeons néanmoins, c'est le peu d'encadrement des différents paliers de déconfinement et une langue de bois politique qui refuse toujours de définir les activités économiques prioritaires. Quelle nécessité notamment du retour à l'activité et à la métropole parisienne en passant de celles qui pourraient très bien continuer le télétravail. Nous insistons aussi sur le manque concret de soutien financier qui permettrait aux plus précaires et vulnérables de ne pas s'exposer, et enfin sur l'incertitude générale quant aux mesures sanitaires qui vont être véritablement assurées à partir du 11 mai. Mais d'un sursaut dans l'atmosphère, nous disparaîtrons dans un tout soin de terre, car rien ne se crée, rien ne se perd, l'avant étant disparition, l'avant fusion. Et notre décor en combustion, pendant que je te love de sans façon, si aujourd'hui l'hier est décédé, je te la bienvenue au jour d'après, l'effondrement sera télévisé. Alors sur l'heure de Noël, on va s'aimer à l'arracher. L'apocalypse, je m'interroge. Si certaines activités sont vraiment essentielles pour faire tourner la société, des activités qui, en passant, sont souvent dévalorisées au titre qu'elles ne requièrent pas de qualifications particulières. S'il faut assurer ces activités, donc, et que les gens les moins vulnérables sont motivés pour faire repartir l'économie, pourquoi ce ne sont pas ces gens-là, certains grands actionnaires moralisateurs en tête, qui reprendraient les caisses des supermarchés, tandis que le gouvernement soutiendrait financièrement les plus précaires à la santé la plus fragile? Bien sûr, je caricature. Personne n'accepterait de se pencher une seule seconde sur une telle utopie. Là est tout le paradoxe. La suspension actuelle des principaux pôles d'activité économique pourrait être l'occasion rêvée d'une remise en cause du système. Malheureusement, les défaillances perverses de celui-ci nous obligent à devoir d'abord résoudre des besoins de court terme et privent les plus précaires de leur droit à se joindre au reste de la population pour repenser nos modes d'organisation et le monde de demain. Sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial? En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Si des gens sont en première ligne du corona, si le système se maintient inchangé, même pendant une crise pareille, c'est quand même qu'au-delà de la défaillance du gouvernement à assurer un soutien économique minimum aux plus précaires, il y a aussi une forte demande de la part des citoyens consommateurs. Et au vu de toutes les livraisons comptabilisées, celles-ci dépassent largement des biens et services qu'on pourrait estimer essentiels. On a voulu d'ailleurs questionner un livreur à ce sujet, connaître les conditions particulières de son travail pendant le confinement. Nous avons recueilli le témoignage de J, livreur micro-entrepreneur à Toulouse. Pour quel type d'employeur plateforme travaillez-vous ? Je travaille pour Uber Eats. Pensez-vous que votre travail est essentiel et vital pour certaines personnes durant cette période de confinement ? Je ne pense pas que mon travail soit réellement vital pour certaines personnes durant la période de confinement. C'est plus un plaisir qu'un besoin. Par contre, pour moi, c'est essentiel, car c'est mon gagne-pain quotidien. Ressentez-vous une certaine reconnaissance, considération de la part de votre employeur, des pouvoirs publics ou des clients? Bien qu'ils font mine de s'intéresser à nous en nous envoyant quelques mails sympathiques, disant qu'ils sont et seront là pour nous, que des aides se mettent en place, etc., les pouvoirs publics, la CCI Haute-Garonne, ainsi qu'Uber, nous laissent nous débrouiller. Pour ma part, les clients, eux, m'ont toujours félicité et soutenu, notamment en ajoutant à leur commande des pourboires, alors qu'ils ne sont pas obligés. Ça fait plaisir. Avez-vous obtenu une amélioration de vos revenus depuis le début du confinement ? Non, du tout. Au tout début, les deux premiers jours, on aurait pu se dire qu'en effet, on allait avoir une augmentation de salaire durant cette période, car les gens n'allaient plus eux-mêmes chercher leur repas, mais ensuite, surtout avec la fermeture de nombreux fast-food et restaurants, ça s'est compliqué. Le gouvernement a imposé des mesures de livraison sans contact depuis le décret du 19 mars 2020. Limitation des échanges, distance de sécurité, utilisation préférentielle des boîtes aux lettres lorsque cela est possible. Selon vous, sont-elles suffisantes pour protéger votre santé et celle des clients? A-t-on mis à votre disposition des équipements tels que des masques, gants ou gel hydroalcoolique? Évidemment que non. D'ailleurs, pour moi, les fameux gestes barrières sont des conneries. On n'est pas protégé à 1 ou 2 mètres d'écart. Pour ce qui est des équipements de protection, ils nous ont dit qu'il fallait les commander. Car il y en a. Les payer, exemple masque 2,60€, mais obligatoire de commander un carton de 60 masques, 2,60€ × 60. Ensuite, ils disent nous rembourser. Personnellement, je ne sais pas du tout. J'ai préféré le faire moi-même. En tant qu'auto-entrepreneur non salarié, vous n'avez pas la possibilité de faire du télétravail et de toucher le chômage partiel. Préfériez-vous être confiné si c'était le cas? Je vais pas mentir, pour moi l'efficacité du confinement est loin d'être prouvée, au contraire. Même si j'avais la chance de pouvoir choisir entre travail ou télétravail, je ne resterais pas confinée. Aujourd'hui, préfériez-vous que les plateformes de livraison s'arrêtent jusqu'à la fin de l'épidémie et donc arrêter de travailler? Ou cela vous mettrait-il dans une situation trop précaire? Non. Si jamais cela s'arrête, ma famille et moi, on est morts. Je m'explique. Le système mis en place permet de gagner de l'argent la journée et de l'avoir le lendemain sur son compte. En gros, si un jour, j'ai pas de commande, j'ai pas de sous. Je vis au jour le jour et si demain ça s'arrête, ça serait très dur. J'irai chercher des sous où il y en a. Un dédommagement est prévu par certains employeurs comme Uber et par le gouvernement si vous contractez le coronavirus. Le montant de cette indemnité prend en compte différents facteurs. Pensez-vous que cela soit suffisant? Aimeriez-vous demander une aide différente? Oui, effectivement, si l'on contracte le virus, on peut faire une demande pour recevoir une aide. Malheureusement, si l'on contracte le virus, ce n'est pas de l'argent qu'il faudrait, mais des soins. Le gouvernement annonce des primes pour tout le monde. Tous les jours, on peut entendre une nouvelle prime par-ci, une autre par-là. C'est vrai, les sous, on en a besoin. Mais là, les primes, on en avait besoin avant, et on en aura besoin après, cette crise. Mais déjà, si on pouvait avoir juste des soins, ce serait énorme comme aide, y compris psychologiquement. Y a-t-il quelque chose en particulier que vous souhaiteriez partager quant à l'expérience de votre travail en contexte de coronavirus? Je souhaiterais expliquer les difficultés que rencontrent beaucoup de mes collègues. Beaucoup ne lisent pas, n'écrivent pas, ne parlent pas ou ne comprennent pas le français. Avec les multiples contrôles et patrouilles de police, certains ne travaillent pas, soit car ils n'ont pas de papier, soit par peur tout simplement. Beaucoup se sont pris des amendes pour l'attestation. Je trouve ça malhonnête. Au lieu de les aider et faire comprendre qu'il fallait un papier, ils enchaînaient les amendes. Maintenant, il y a l'attestation via smartphone. Plus trop d'amendes, mais ils connaissent ta vie dans les moindres détails. Enfin, pour finir, je souhaiterais remercier toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent, car il y a beaucoup de personnes qui comprennent notre situation, et ça, ça donne du courage. Car même si nous sommes nos propres patrons, il faut savoir que beaucoup partent travailler, que ce soit en vélo, en scooter, en moto ou en voiture. Personne n'est sûr de rentrer chez lui le soir en étant négatif au coronavirus. Jim a également transféré des mails d'Uber, ceux contenant les recommandations des différents gestes barrières et assurant qu'ils pouvaient demander à être remboursés de l'achat de leurs produits sanitaires à hauteur de 25 euros. Un autre mail mentionne également une aide défiscalisée de l'État pouvant aller jusqu'à 1500 euros en cas d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en mars 2020, par rapport à leurs revenus de mars 2019, ou de leurs revenus mensuels moyens s'ils ont créé leur micro-entreprise depuis moins d'un an. Face à la baisse de ces revenus, J a contacté l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADIE, l'association qui, par microcrédit, est censée accompagner les personnes n'ayant pas accès au système bancaire traditionnel pour qu'elles puissent créer leur propre entreprise. Celle-ci lui a répondu être navrée de son expérience et l'a renvoyée vers l'URSSAF afin de voir si une aide serait débloquable. Il a également ajouté « Uber, je sais pas si t'es au courant, mais ça fonctionne par bonus. En gros, plus tu fais des courses, plus tu vas loin, plus tu as des bonus. Certes, tu as plus de sous, mais physiquement, c'est une torture. J'ai commencé Uber en vélo, mais comme j'avais pas un sou, j'ai commencé avec la carte pastel, en Vélib, MDR. Alors j'ai mal au cœur pour ceux en vélo, je connais la difficulté du truc. Après, j'adore le sport, mais là, c'est abusé. » Enfin, Jim a expliqué que grâce à son taf, il voyait, je cite, « des choses hallucinantes. » La détresse des SDF, les contrôles abusifs et les différences entre les zones géographiques. etc. Des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces. Liberté volée, synonyme de paperasse. Humanité troquée contre une vie illusoire. Entre stress du matin et angoisse du soir. Des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu. Et quand la vie s'endort, arrive tant de fois une mort silencieuse, un SDF dans le froid. Au-delà des réticences gouvernementales au changement, on voit bien que nous avons nous-mêmes, citoyens consommateurs, des difficultés à sortir de nos pratiques et de nos habitudes de consommation. Cela, parce que nous manquons cruellement d'autres modèles auxquels nous pourrions nous identifier, d'autres imaginaires dans lesquels nous pourrions nous projeter. Dès le début du XXe siècle, et notamment dans l'entre-deux-guerres, on assiste en effet au développement des loisirs de masse, comme la télévision, la radio, en parallèle de la publicité. L'émergence de cette société de consommation fabrique de nouveaux désirs qui sont codés dans son sens. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Très vite, cela se traduit par une industrialisation de la culture que va d'ailleurs critiquer l'école de Francfort. Sous couvert de l'accès au temps libre et du développement des loisirs, se met en place une consommation culturelle de masse. La culture véhiculée par ces grosses industries émergentes est systématisée et homogénéisée, assurant une nouvelle forme de contrôle social. Malgré l'apparente diversité de nos programmes actuels, cette massification de la culture est toujours bien présente aujourd'hui, plus que jamais. Concrètement, elle est notamment aux mains des grandes chaînes de télévision, de Netflix, des chaînes de cinéma, d'Amazon, etc. Autrement dit, presque tous les standards de consommation sont uniformes. Ce capitalisme culturel et de services fabrique de toutes pièces des modes de vie, transforme la vie quotidienne dans le sens des intérêts immédiats, standardise les existences via le marketing. La société prétendument post-industrielle est devenue hyper-industrielle. Et loin de se caractériser par la domination de l'individualisme, l'époque apparaît comme celle de la perte d'individuation généralisée. C'est une expression de Bernard Stiegler, qui est non sans conséquence sur la perception de nos désirs, et plus généralement sur les consciences des individus. La philosophe Cynthia Fleury mobilise également cette idée de perte d'individuation pour désigner comment la société nous pousse à nier notre singularité, notre capacité à inventer, nous faisant passer pour des êtres remplaçables. Dans son livre « Les irremplaçables », elle souligne qu'il y a à ce niveau-là un double discours hypocrite du modèle néolibéral, qui fait de l'irremplaçabilité et de la singularité des valeurs idéales à atteindre, tout en réduisant au maximum notre marge de manœuvre. Ce processus est notamment marqué par la profusion de méthodes d'évaluation de la rentabilité que prônent les nouvelles politiques du management néolibéral, ce qu'on appelle les New Public Management en anglais, qui ont émergé dans les années 80-90. Sous couvert de lutter contre une mauvaise gestion des dépenses publiques, ces outils d'évaluation sont venus infuser l'ensemble de nos politiques publiques depuis les années 2000, avec notamment en France la loi LOLF en 2001. La philosophe Barbara Cassin évoque notamment la restriction croissante des activités professionnelles publiques et privées à l'accomplissement de simples tâches, bloquant toute perspective d'initiative et suscitant de plus en plus ce sentiment que nous sommes de simples rouages interchangeables. Le danger de ces politiques nous saute aujourd'hui à la figure dans le domaine hospitalier. Celui-ci, soumis depuis près de 20 ans à des restrictions budgétaires et aux outils d'évaluation de rentabilité dont la loi de tarification à l'activité de 2007, qu'on appelle T2A, on est l'un des principaux exemples, montre les limites de la gestion strictement comptable du service public. Individuelle, on se trouve de plus en plus poussé à une certaine forme d'individualisme qui nous permettrait d'exprimer cette fameuse singularité afin de nous accomplir pleinement en tant qu'individu. En vain, notre société de production et de consommation ne peut perdurer qu'en alimentant sans jamais satisfaire cet objectif. Tout l'art de la publicité et du marketing consiste à nous vendre constamment de nouveaux désirs consommables censés nous faire advenir tandis que croît en nous la frustration et le sentiment de ne jamais être vraiment à la hauteur. En réalité, notre originalité renaît sans cesse, mais elle est trop souvent broyée ou bien captée et appropriée pour être ensuite capitalisée. En même temps, la panoplie des possibles est tellement bien présentée que nous avons du mal à ne pas faire de notre insatisfaction, de notre échec à nous accomplir, le fruit de notre propre responsabilité. C'est ce que la sociologue israélienne Eva Illouz appelle l'apicratie, soit une dictature du bonheur, qui condamne ceux et celles qui ne parviennent pas à se sentir heureux. Cette condamnation sociale va de pair avec un processus de pathologisation et de privatisation de toutes les émotions négatives, colère, fatigue, le fait de se plaindre, le stress, afin de désamorcer la critique et les mobilisations sociales. De même, pour le philosophe Fabrice Midal, la négation de toute difficulté et de ressenti négatif légitime entretenu par ce culte du bien-être limite aussi toute possibilité d'introspection, toute exploration individuelle, toute possibilité de se rencontrer. Moi, j'ai vu une pub pour l'angoisse. Comment ça, une pub pour l'angoisse ? Ouais, une pub pour l'angoisse. Tout le monde courait, en bleu, en rose, en vert, à la ville, à la campagne, les jeunes, les vieux, courez, courez, plus vite, plus vite. C'était une pub pour des baskets. Tu m'as dit que c'était pour l'angoisse. Pour des baskets, pour l'angoisse ? Comment savoir ? Nous sommes de ce fait maintenus dans les mécanismes rentables de la production. Le temps de loisir n'étant qu'un temps octroyé au corps-machine pour mieux se remettre à produire par la suite. Ce double mouvement de restriction du temps à soi et de condamnation de toute tentative de s'étudier, de se regarder soi-même, limite les possibilités de réappropriation de nos désirs. Or, le danger est de taille. Alors que la massification n'a jamais rien donné de bon, comme en témoignent encore aujourd'hui tous les intégrismes et les nationalismes, la rupture psychique qu'engendre cette perte de soi et le sentiment de ne pas réussir à cadrer dans les idéaux collectifs peut prendre rapidement la forme d'une dépression, d'un burn-out, voire d'un suicide. Dans son livre « Narcisse n'est pas égoïste », Fabrice Midal montre d'ailleurs comment notre société postmoderne a détourné le mythe de Narcisse de ses anciennes représentations pour désigner le trait de caractère condamnable par excellence, réactualisant le vieux mythe performatif de l'être humain fondamentalement mauvais et égoïste. Ainsi, on attend de nous d'être unique, mais sans trop le montrer, d'être original à condition de rester rentable, autonome, mais sans être solitaire ou pire, asocial. Et si au milieu de tout ça, nous nous trouvons malheureux, c'est la faute donc du narcissisme. Pour Fabrice Midal, on se trompe de cible. Déjà chez Ovide, Narcisse ne tombait pas amoureux de soi, mais de son reflet dans l'eau, dans lequel il ne se reconnaît pas. Quelle est la puissance de cette image pour retenir ainsi le jeune homme dans l'eau? Caravage de n'avoir non pas le reflet d'un jeune homme, mais un vieillard. Comme si l'autre, ici, par-delà la beauté, était le temps, l'annonce du temps au gré duquel se construit la vie. Si on cherche l'origine des mots de l'individu moderne, ceci serait plutôt, selon le philosophe, à chercher dans le mythe de Prométhée, qui, au nom de la quête incessante du progrès, ne jure que par la rentabilité et broie les individus et leur singularité. À l'inverse, notre bon vieux Narcisse, qui désigne à l'origine la première fleur du printemps, pourrait incarner le renouveau. Loin d'être replié sur lui-même, ce serait justement l'individu disposant de suffisamment de confiance en soi, en sa puissance de vie, pour dire non à ce qui cherche à le soumettre, tout en s'ouvrant vers l'extérieur, pour sans cesse se nourrir de la nouveauté. C'est le pari de la vie, quoi, de l'imprévu, la quête de l'image qu'on voudrait avoir de soi, et cette image n'a pas à être figée. Cette force de vie, c'est la puissance désirante. Qu'on l'appelle potentia gaudendi, comme Paul B. Preciado, ou que l'on parle de machine désirante, comme Deleuze et Guattari, c'est cette puissance du désir qui est aujourd'hui accaparée par nos sphères de travail et de consommation. Dans les années 20, Freud théorisait déjà cette mise en réserve de notre énergie au service de l'investissement capitaliste sous le nom d'économie libidinale. Baigné dans toutes ces injonctions contradictoires, alimenté des mêmes modèles faussement renouvelés, sur lesquels nous n'avons pas vraiment de prise, difficile de prendre du recul et de ne pas se sentir seul, atomisé, déprimé. D'ailleurs, les industries de la technologie qui dominent la plupart des marchés de notre époque, santé comprise, jouent un rôle croissant dans cette perte de rapport et de confiance en nous-mêmes, en cette faculté à nous trouver, à répondre à nos propres désirs, à écouter nos perceptions. Alors que la radio, la télé, puis les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous semblent multiplier les supports, les pratiques culturelles autant qu'elles nous permettent d'en jouir seul chez soi, cette idée d'une pratique individuelle singulière est en réalité totalement illusoire, car ce sont les mêmes grands groupes qui possèdent ces programmes, construits sur les mêmes modèles. Stigler parle d'illusion du loisir solitaire. Cette homogénéisation leur permet des économies d'échelle, c'est-à-dire de maximiser leur rendement, tout en endiguant au maximum les possibilités d'alternatives culturelles ou politiques susceptibles d'être subversives. De la même manière que l'ouvrier du XIXe siècle a perdu son savoir-faire et s'est trouvé réduit à la condition de prolétaire, le travail n'étant plus un acte lui permettant de s'accomplir, de sublimer la matière et son être propre, mais renvoyé à la répétition des mêmes gestes, nous sommes aujourd'hui des consommateurs et consommatrices standardisés dans nos comportements par le formatage et la fabrication artificielle de nos désirs. Cette sorte de crise d'identité à laquelle nous rend d'autant plus propice le confinement renvoie à ce que l'écrivain, cinéaste et révolutionnaire Guy Debord appelait la société du spectacle. Il se référait par là à notre société de consommation telle qu'elle a émergé donc après la Seconde Guerre mondiale. Ballottée par l'ensemble des industries socio-culturelles, entre les mêmes stéréotypes auxquels il serait de bon ton de s'identifier, nous participons nous-mêmes à cette standardisation du désir, en nous regardant les uns les autres, à la télévision et désormais sur les réseaux sociaux. C'est le fameux contrôle social, encore une fois, dont parlent Deleuze et Foucault. Et qu'on ne s'y trompe pas. Comme le souligne Bernard Stiegler, l'intelligence numérique a beau nous faire miroiter qu'elle peut, par la collecte de nos données, personnaliser l'offre pour l'adapter à nos préférences, en fait, ce sont toujours les mêmes machines pilotées par les mêmes normes et les mêmes standards. En attendant, nous devenons par contre des chiffres et des graphiques au service du profit et du pouvoir économique. Notre vie entière est devenue consommable, tout doit passer par là, même le temps libre. Face à nos gadgets technologiques, nous avons un sentiment de toute puissance, de liberté, l'impression de choisir notre programme, l'impression que nos goûts culturels sont uniques. En réalité, combien de personnes regardent la même série sur le même programme ou la même plateforme en même temps que nous ? Foucault parle d'une liquidation de soi vers l'homogénéisation des consciences. Face à de tels constats, on peut s'interroger comme Bernard Stiegler sur les conséquences de tout ça, sur nos désirs physiques et notre intimité corporelle. Peut-on réellement être surpris et surprise de la manière dont les individus se consomment eux-mêmes et entre eux? Témoignage de Louise, 20 ans, sur ses addictions pendant le confinement. Enfermée dans l'espace, mais également enfermée dans sa tête. Le confinement emprisonne mon corps de l'extérieur comme de l'intérieur. Tout est plus intense, ou tout ne l'est plus. En tout cas, certaines sensations viennent à manquer. Pour rééquilibrer la balance, les addictions filent à l'exponentielle. Le sel, le café, le fromage, la beuh, l'alcool... Tout est devenu irrémédiablement nécessaire. Ces choses deviennent la raison pour laquelle je me lève le matin et la raison pour laquelle je me couche le soir au regard d'une nouvelle journée d'excès. La chaleur du café ou de l'alcool réchauffe mon buste, la graisse du fromage câline mon cœur et le sel le réveille. Étonnamment, en grande nicotine woman, je n'ai pas inhalé plus que d'habitude, parfois même moins, ce qui prouve peut-être que ma façon de fumer est avant tout sociale. En fin de compte, mon corps s'ennuie, et je m'épuise à lui trouver de nouvelles sensations à vivre quand faire pleurer le cyclope devient trop ennuyeux. la consommation risque également de s'approprier notre vie sexuelle. C'est ce que des auteurs comme Stigler ou Damasio ont tenté de montrer. Selon eux, une libido annihilée est la conséquence des logiques consuméristes. Les désirs sont atrophiés par notre mode de vie. Les gens se matérialisent comme ils sont eux-mêmes matérialisés par le système. Ils arrêtent de désirer pleinement et passent de personne en personne ou d'objet en objet dans une logique tout aussi consumériste. Pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, Chloé, sur le mythe de Narcisse, Freud l'avait aussi précisé à son époque. Je cite « Avant d'être une pathologie, le narcissisme conditionne le psyché, le désir et la singularité des individus. Et si ce narcissisme disparaît totalement, il devient plus difficile de savoir ce que l'on veut. Or, d'après Stigler, on assiste aujourd'hui exactement à ça, à une ruine de ce narcissisme. » J'ai rêvé parfois d'élaborer un système de connaissances humaines basé sur l'érotique. Une théorie du contact, où le mystère et la dignité d'autrui consisteraient précisément à offrir au moi ce point d'appui d'un autre monde. La volupté serait dans cette philosophie une forme plus complète, mais aussi plus spécialisée de cette approche de l'autre. Une technique de plus mise au service de la connaissance de ce qui n'est pas nous. Dans les rencontres les moins sensuelles, c'est encore dans le contact que l'émotion s'achève ou prend naissance. Même les rapports les plus intellectuels ou les plus neutres ont lieu à travers ce système de signaux du corps. Avec la plupart des êtres, les plus légers, les plus superficiels de ces contacts suffisent à notre envie, ou même l'excèdent déjà. Qu'ils insistent, se multiplient autour d'une créature unique, jusqu'à la cerner tout entière. Que chaque parcelle d'un corps se charge pour nous d'autant de significations bouleversantes que les traits d'un visage. Qu'un seul être, au lieu de nous inspirer tout au plus de l'irritation, du plaisir ou de l'ennui, nous hante comme une musique et nous tourmente comme un problème. Qu'il passe de la périphérie de notre univers à son centre, nous devienne enfin plus indispensable que nous-mêmes. Et l'étonnant prodige a lieu, où je vois bien davantage un envahissement de la chair par l'esprit qu'un simple jeu de la chair. De telles vues sur l'amour pourraient mener à une carrière de séducteur. Si je ne l'ai pas remplie, c'est sans doute que j'ai fait autre chose, sinon mieux. À défaut de génie, une pareille carrière demande des soins, et même des stratagèmes pour lesquels je me sentais peu fait. Ces pièges dressés, toujours les mêmes, cette routine bornée à de perpétuelles approches, limitée par la conquête même, m'ont lassé. La technique du grand séducteur exige dans le passage d'un objet à un autre une facilité, une indifférence que je n'ai pas à l'égard d'eux. De toute façon, ils m'ont quitté plus que je ne les quittais. Je n'ai jamais vraiment compris qu'on se rassasia d'un être. L'envie de dénombrer exactement les richesses que chaque nouvel amour nous apporte, de le regarder changer, peut-être de le regarder vieillir, s'accorde mal avec la multiplicité des conquêtes. C'était un extrait de Mémoire d'Adrien, de Marguerite Yourcenar, lu par Camille, pour redonner un peu d'espoir dans nos désirs. Joseph walked on and on the sunset, went down and down coldness, cooled their desire and dawn said, let's build a fire. En confinement, notre rapport à l'autre est totalement modifié, comme on l'a expliqué. Il passe par des écrans, des boîtes, ou au contraire, par une présence constante de l'autre, une surreprésentation de l'autre dans notre espace et dans notre intimité. De manière générale, les gens sont limités et privés d'une certaine liberté de choix dans leur rapport à l'autre. Ces boîtes, écrans, deviennent une limite. Le médium formate la relation. Voici le témoignage de Elle, 25 ans et demi, confinée avec son copain en appartement. Salut, il est 23h23 et j'arrive pas à dormir. La story que j'ai vue un peu plus tôt dans la journée sur Instagram me trotte dans la tête. Il y en a qui se la racontent vraiment. Moi, je me fais lécher 40 fois par jour depuis le début du confinement. On baise partout. Ma vie sexuelle est à son apogée. Tu parles. Que des mythos, si tu veux mon avis. Ou pas. Non mais sérieusement, qui peut avoir envie de ça dans une période aussi bizarre? Perso, j'arrive même pas à m'habiller ou à me maquiller. Tout ça, c'est pas la vraie vie. C'est pour faire les intéressants sur les réseaux. Ou alors c'est moi qui suis pas normale. Je suis là avec mes poils aux jambes et mes cheveux en pétard, à jalouser les gens qui prennent du plaisir. Ça fait pitié. Peut-être que si je faisais un effort, ils se jetteraient sur moi et on baiserait comme au début. Ouais. J'ai trop la flemme. Peut-être que je l'aime plus. Ou alors il m'attire plus. D'ailleurs, est-ce que l'un peut exister sans l'autre? Un amour sans sexe. Aimer sans être attiré. Tu crois que c'est mon cas? C'est vrai qu'il se balade en pyjama toute la journée, mais bon, il est pas mal quand même. Ou alors peut-être que je suis lesbienne. C'est pour ça qu'on baisse pas. Et que toutes mes relations hétéros se sont soldées par des échecs. Et que je suis en colère contre tous les hommes qui entrent dans ma vie et dans mon intimité. N'importe quoi, moi. Faudra vraiment réussir à canaliser ces pensées débiles. Sinon tu vas devenir folle avant la fin du confinement. Faut que je me mette au yoga. Ou à la méditation. Il est 8h40. J'ai envie de lui mettre un coup de pied dans le ventre. J'ai l'impression que son gros corps prend de plus en plus d'espace dans l'appartement, jusqu'au point de parfois m'étouffer. Il est tout le temps là, même dans mes pensées. Il m'a tenue éveillée jusqu'à 1h du matin hier. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas couché ensemble? 3 jours? Putain, j'arrive même pas à me souvenir. Vas-y, j'essaye de le réveiller. Je vais arrêter de culpabiliser là-dessus. Bon, il est 9h10. Moi aussi maintenant, je peux dire que j'ai expérimenté un nouveau truc. Le sexe matinal. Il est 11h20. Il vient de se réveiller, il a vraiment pas la tête des grands jours. J'ai pas envie qu'il s'assoie à côté de moi sur le canapé. Il m'a assez envahi pour la matinée. 11h45. 5. 4. 3. 2. 1. Tu veux manger quoi? Putain, mais il va me poser cette question tous les jours jusqu'à ce que mort s'en suive ou quoi? C'est marrant, il a l'air de pas du tout se lasser de cette routine. Ça me donne encore plus envie de l'étrangler. Coucou. Il est 21h32. Il est parti aux toilettes et moi je suis un peu bourrée. C'est marrant. On se parle en se regardant dans les yeux depuis 1 heure. On se remémore nos vacances, nos souvenirs. On se raconte l'un à l'autre. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. En fait, ça fait du bien ce rapprochement forcé. Je me rappelle pourquoi je l'aime, même en pyjama. In her golden hair, said I'm not scared. Turn to her and smile. Secrets in his eyes, sweetness of desire. D'après Paul Béatrice Preciado, le confinement accélère le changement de paradigme déjà à l'œuvre depuis les années 1970 et 1980. En effet, la crise actuelle montre d'autant plus clairement la crise des institutions traditionnelles, telles que l'école ou l'hôpital, et transfère avec une ampleur inégalée jusqu'à présent le contrôle social au plus près de nos corps via nos appareils connectés. Pas de doute que l'expérience du confinement va profondément bouleverser notre façon de nous concevoir en tant que sujet, sur tous les plans, social, économique, politique, culturel, esthétique. Comme évoqué dans l'émission précédente, la crise que nous traversons peut être l'occasion de re-questionner justement et de nous réapproprier la manière dont ces technologies encadrent de plus en plus notre façon de nous percevoir, de percevoir les possibles et nos relations aux autres. Pour cela, le mythe des Narcisses peut être une belle source d'inspiration. Dans l'analyse que fait Fabrice Midal au travers de nombreux de ses usages, il est ce qui ne se laisse pas subjuguer par un pouvoir supérieur ni totalitaire comme le naziste, ni plus diffus comme nos industries capitalistes. Il échappe à la massification et, en disant non, réintroduit du sens critique. Il esquilie les différentes faces d'un être en elle et ne cherche pas à les contenir dans une seule version de lui-même qui serait atteignable et consommable. S'il peut ressentir des vocations, s'il peut choisir de se donner avec abnégation à l'accomplissement d'un objectif, d'une cause qui le transcende, il le fait par choix, et un choix qu'il peut tout autant moduler, voire rétracter. Il n'est en aucun cas l'individu sacrificiel désigné par une puissance supérieure, comme le sont aujourd'hui nos soignants par exemple. L'individu de toute façon ne se réalise pas seul, mais collectivement, et en s'appropriant un héritage commun et partagé. Voici le témoignage de Samy sur le pouvoir que peut avoir la musique, selon lui, à ce niveau-là. La musique, ce refuge universel. On n'a pas tous la même manière de consommer de la musique. Bon, vous me direz, le sondage, c'est pas la vie, mais l'IFOP a déclaré qu'environ 6 Français sur 10 écoutent de la musique quotidiennement. Si on peut supposer que ce chiffre a augmenté avec le confinement, qu'est-ce que cela dit de notre rapport à la musique ? Dans ce podcast, on parle de notre rapport au corps. Le corps est également l'instrument ou le réceptacle du bruit et du son. On joue d'un instrument avec notre corps, on entend un bruit avec notre corps, on danse avec notre corps, on fait des pas de danse avec notre corps. Tout ce qui est musique se fait avec notre corps. Alors quand on parle de la musique, le corps y possède une place très importante. Personnellement, je ne suis pas objectif. J'adore la musique. Vraiment, j'adore ça. Je fais partie des moins de 35 ans qui ont répondu à 70% qu'ils ne pouvaient s'en passer, dans le même sondage de l'IFOP. Tout est fait en musique dans ma vie. Le réveil, la douche, le petit-déj, le dîner, le déjeuner, la soirée, les amis, le voyage, le silence, le temps calme. Et oui, même le silence, je l'accompagne de musique. Ce qui fait que je suis jamais vraiment en silence, mais c'est un autre problème. Avec ce confinement, toutes mes pratiques se sont retrouvées exacerbées. Il a même fallu que je trouve de nouvelles musiques, ou du moins que je me reconnecte à des nouvelles musiques. C'est peut-être quelque chose de très personnel, mais en temps normal, je me mets une playlist dans les transports, elle évolue un petit peu avec le temps, selon ce qu'on m'envoie, selon ce que je prends le temps d'écouter. Mais de temps en temps, je peux tourner quelques semaines sur entre 30 et 50 chansons. Mais là, avec mon enceinte allumée à 9h, dès le deuxième jour, je me suis dit, c'est pas possible. Tu vas prendre ta bibliothèque Spotify et tu vas tout mettre en aléatoire. Comme ça, tu vas tout réécouter de tout ce que tu as enregistré dans ta vie sur cette application. Et quelle bonne décision! J'ai découvert, redécouvert tellement de musique, de petits bouts de vie, qui rendent mon confinement bien plus agréable. Parce que oui, pour moi, la musique, c'est des moments de ma vie. Je ne dis pas que toutes les musiques que j'écoute ont une traduction dans ma vie, mais certaines appellent clairement un moment. J'aime les partager d'ailleurs. Tiens, cette musique me fait penser à toi, puis à toi. Tiens, tu devrais écouter ça. Tu te souviens de ce son? Nous l'avons écouté en 2014 à la Dorade. Tu te souviens de celui-ci? Mais si, on prenait le métro. On allait boire notre premier coca, place des Vosges comme des cassos, à 12€ le coca. La musique a ce pouvoir de souvenir que même notre corps peut ressentir. Mon corps se souviendra toujours de tel ou tel concert, telle danse, telle soirée, la fête de la musique. C'est peut-être simplement autour de moi, mais de me dire qu'avec ce confinement, on ne pourra plus partager cette énergie entre tous les corps des participants à un concert me déprime. Parce que même si ce n'est pas notre musique préférée, comment ne pas se laisser emporter par des sourires, des gens qui dansent, des déhanchés, des danseurs et des danseuses qui dansent tellement bien que tout le monde est jalouse parce que elles ont vraiment le rythme dans la peau. Je pense très sincèrement que ce sentiment-là est universel. Je le mettrais même en rapport avec 20h. Les gens sortent aujourd'hui à 20h. S'ils ne sortent pas réellement, en tout cas ils vont sur leur balcon, à leur fenêtre, dans leur jardin, des fois même un petit peu dans leur rue, pour applaudir et faire du bruit pour les personnels soignants, les personnes qui font tourner l'économie. Si ça a si bien marché, je pense également que c'est parce que les gens ont besoin de faire du bruit. L'importance de faire du bruit ou d'entendre du bruit est exacerbée, surtout en ce moment. On le voit. On tourne en rond toute la journée, on pense, on s'entend toute la journée. Du coup, le soir à 20h, on sort, on s'évade un peu, on parle aux voisins, ça va, comment ça se passe? L'école à la maison, ça se passe bien? Et toi? Ah, toi tu travailles dans un supermarché? Ah, bonne chance. Tous ces moments-là, je pense que c'est un peu un moment d'évasion dans cette période de confinement. Si le confinement a été l'occasion de mettre en place cette distanciation sociale, on ne l'a pas avec la musique. Il n'y a pas de distance avec la musique. Si on ne la partage plus par magnétisme, par ses contacts, ses touchés, ou simplement ses regards avec d'autres personnes, des inconnus, elle nous transporte encore aujourd'hui dans notre tête, nos écouteurs ou notre enceinte. Le mythe de Narcisse nous invite ainsi à nous saisir de notre héritage commun pour nous réinventer individuellement et collectivement. comme le souligne Preciado, cela induit sûrement de penser à d'autres formes de liberté, non seulement physiques, mais également numériques. Je parlais la dernière fois de la réappropriation de nos données. Un autre enjeu est aussi de promouvoir d'autres types de discours, d'images, de représentations, concurrençant les conceptions dominantes que nous fournissent les géants de l'industrie culturelle. La réappropriation de la culture semble peut-être d'autant plus urgente aujourd'hui. D'une part parce qu'elle est une ressource essentielle pour affronter la crise morale que nous rencontrons. En ces temps difficiles, elle est ce qui nous permet de nous évader et de nous rassembler. D'autre part, du fait de toutes les manifestations annulées cet été, ces ambassadeurs et ces institutions rencontrent en même temps une crise sans précédent. Dans ce contexte, se réapproprier la culture, réinventer des imaginaires, invite autant à se réapproprier le mot de culture, à sortir le concept de ses carcans institutionnels, qu'à s'appuyer peut-être sur le numérique ou à imaginer encore d'autres dispositifs pour réinventer les moyens de partage, de diffusion, les moyens d'en vivre tout simplement. Réinventer un monde sans la majorité du monde. Quand les corps sont séparés, ils n'auraient plus qu'à se connecter. Et pourtant, dit l'UNESCO, 55% est hors du réseau. 17% des Français, selon la belle INSEE. À l'ère 2.0, en pleine épidémie, nos droits fondamentaux dépendent de nos ordis. Il n'y a pas que l'apéro qui est passé en visio, c'est tout le service public, désormais numérique. Le juridique, l'éducation, le médical, l'information, soutien moral et confession. Ta charge mentale se télécharge en infini d'applications. Romances virtuelles, condoléances immatérielles. Tes libertés de confiner sont sans cesse reconfigurées. Et ce qui restait de l'égal accès est bel et bien défiguré. Répétez. Parfois quelques assos, comme Emmaüs Connect, t'aident à trouver le matos pour que t'aies accès au net. Tout l'art de s'en servir, ça reste une autre affaire. Le tuto est l'avenir pour te sortir de la galère. Répétez. En dépit de la fracture, s'accumulent les factures. Paye en temps et en heure pour pas être mis hors ligne. Pas de beurre dans les choux-fleurs, en l'absence de cantine. L'égalité des chances ne trompe plus personne. Même en cas de violence, tout se passe par téléphone. Si t'as envie de quelqu'un, décroche ton téléphone. Système d'exploitation. De qui? Sur qui? Taylorisme de circulation. Répétez. Tant qu'il y a des riches qui se fichent bien que ça défriche. Pour qu'il y en ait qui friment, faut bien qu'il y en ait qui triment. L'industrie de l'armement se maintient au firmament. Et nos libéraux râlent contre la sécu sociale. À l'ère du tout en ligne, derrière l'écran de fumée, les fameux invisibles portent la société. Nouveaux héros, nouvelles héroïnes, sous commande vocale, parlent avec des machines. Et pour les confinés et leurs besoins vitaux, pour que le divertissement puisse continuer sa danse, voilà les corps qui portent et qui chargent en cadence. Au sein des entrepôts, fonçons sur leur vélo, et il n'y a pas d'assurance contre leur lumbago. Mais c'est un choix, nous dit Gaulier. Ils tiennent à leur activité. 07. Très bien. Ah, ok. 9,29. 7,9. 7,9. 7,9. Très bien. Ah, ok. 9,83. 9,1. Très bien. 2, ok. 9,98. Les néolibéraux ont toujours un levier d'enfer. L'épée de Damoclès plane sur nos salaires. Car chaque chute boursière apporte son lot de misère. La crise approche, passez-vous le mot. L'urgence nous presse, faites le gros dos. Répétez. Ok. 3, ok. 2, ok. Aider les plus précaires par une aide financière, le capital fait la grimace. On n'irait quand même pas ponctionner l'actionnaire, abolir la flat tax, restaurer l'ISF, ramener le fisc par les fesses. Toujours pas plus question de parler de compensation, de formation, de reconversion. C'est toujours le même son de cloche. bien qu'Amazon s'en mette plein les poches. Dites-vous bien que la crise approche. BFM a pris en main l'information des citoyens. Le mot d'ordre est donc reprise pour l'éternelle libre entreprise. Faites taire les décroissants. Le grand changement n'est pas urgent. Ils sont frileux des expériences, nos grands fiévreux de la finance. Je dois ressortir le vélo, apprendre à planter des poireaux, cueillir des fruits pour ma maigre pitance. Mais pour combler ce mélodrame, j'ai déjà perdu 800 grammes. C'est déjà ça, satané décroissance. Ah, si on m'avait dit que le travail de toute une vie se résume à des prunes, je me serais moins cassé le dos. Pourtant, tandis que l'État bafouille, que Macron s'embrouille, les citoyens, comme d'hab, se débrouillent. Ça parle de commun, de partage du soin. Certains rêvent de revenus universels ou à d'autres horizons professionnels. Les coopératives se mobilisent, les réseaux répondent à l'appel, les localités s'organisent. Tandis que le gouvernement martèle la reprise, promet qu'il fera en sorte que ça relocalise, alors même qu'il n'a aucune prise sans que l'UE l'y autorise et qu'il faut bien que ça rentabilise. De ça et là, ça crie. Assemblée constitutive, démocratie participative. Ça dialogue avec des experts. Ça s'autonomise, ça revendique, ça fabrique et ça espère. Contre la loi du plus fort, se ferait l'idée de tirage au sort. Alors certes, ça ne suffit pas encore, mais ça vaut son pesant d'or. Stigler parle d'économie contributive. Créateurs, créatrices, de jolies initiatives. Les minerais sont à poil, il faut tisser nos toiles, renouveler nos énergies, nous connecter en synergie. Nous obligerons quand même l'État à répondre de ses actes, de ses mensonges, de ses arnaques, de son faux zèle, du manque de masques, du manque de gel. Nous exigerons qu'il repense la santé, qu'il mette en place de vraies mutuelles, médecine salariée et de proximité, assurée aux tiers payants, et plus que des primes pour nos soignants. Tous et toutes devront être pris en compte, car le soin n'est pas l'activité de seulement quelques-uns. Fin du mépris et des restrictions budgétaires, ouverture des lits, hausse des salaires. Pendant que le vieux monde se débat, s'accroche à la destruction créatrice, que les grands de l'actionnariat délocalisent jusqu'au service, pendant que l'élite en pyjama rêve que l'aborde la belle pharma, lasse d'écouter leurs artifices, nous nous réinvoquons Narcisse. Nous nous croyons, nous nous créerons. Starhawk nous parle de notre puissance, de leader non dominant. Le vrai labeur est transcendant, sans ces breloques de la finance. Abolition de toutes les prisons, Prométhée en pamoison, désarmée par les saisons, se consume la consommation. Ils devront bien nous regarder, du haut de leur grand mirador, les petits puissants déboussolés, les bras chargés de tous nos morts. Ils verront bien que nous tirons sur le pieu pourri de leur pouvoir, et cette fois seront impuissants à se réapproprier l'histoire. Ensemble, singuliers dans nos collectifs, ils ne nous tiendront plus captifs. La terre tremble, plus besoin de grand soir. Nous fêterons tous sur Zoom l'avènement du grand boom. Chavirant leur décor, changeant notre destin, demain, nos rêves, à l'air frais, le nez enfin dehors, nous nous prendrons avec fierté, la liberté à bras le corps. Ma vie si jette en parlava de bon matí al portal mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Merci a tous ceux qui s'arrêtent avec leur voix et leur texte. Merci à Juliette pour son nom. Surtout merci à toute ma belle bande de potes qui m'a offert R2 et 2 et 2. Je vous aime et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Abra le corps. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps.